Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis pour la frontière suisse. C'était leur dernier voyage, ils ne reviendront plus. La paix est signée dans quelques minutes. Monsieur Jacques va tenir une conférence de presse à l'hôtel du Perche à Évian. Je m'y rends tout de suite, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les détails supplémentaires. 1946-1954, la guerre d'Indochine avait duré 8 ans, et 8 ans également celle d'Algérie. Précisément du 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge, au 18 mars 1962, date de la signature des accords d'Évian. Des accords qui débouchent sur un cessez-le-feu qui entrera immédiatement en application dès le lendemain. Parmi les négociateurs français, le ministre des Transports, Robert Buron, interrogé dans les jours qui suivent la signature.